bon comme l'eau t'aime pas, c'est yo va s'habille pas comme les tempestes passent au-dessus la vide et yo va s'habille trop. Sai pas où est-ce dédié les thèmes, fagues pas. La de gens sans abétant, comme d'argent, sans abus, c'est si en l'insin. Est-ce que la de sens c'est un carré qui est sien d'aquelles gens essentiels? Faut qu'il m'invagissio, pertona comme un magicien. Quand si un set signe de you, so prascution. Et les gars comme si en l'aura, plus de tempest, ben tout sain. Reste bien comme si est. Faut qu'aguer si en fisance, comme notre ifem, perdre sans or. Et nous belles, douce fille, loin, la vie de simple des camps et rien, l'enfant. T'espéritant, comme que la calme vengesse d'in ton esprit. Et qu'espéris, c'est le camp de ton corps féri. Et mis le flou par verre et ton sourire, comme les amis fans. Passe à ma main sur ta gaute fresquette, comme les gens de la mouffin. Si en tu es le ancien légende, une légende d'un curassin. Sous, et c'est mince pour nous distraire de son éternité.